Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Vie et Destin, le manuscrit emprisonné, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Renaud Meyer, réalisée par Sophie Haute-Picon. La fiction d'aujourd'hui raconte un voyage dans l'histoire. L'histoire d'un livre, Vie et Destin, et l'histoire d'un homme, un écrivain, Vassili Grossman. D'abord proche du régime soviétique, il devient progressivement anti-stalinien. Tout en dépeignant la société russe, son œuvre rend compte de sa nouvelle prise de conscience politique, de cette mutation idéologique et politique donc. Écrivain engagé, Vassili Grossman combat sur le front dès 1941 et devient correspondant de guerre du régime. Après la victoire de Stalingrad, il suit l'armée rouge vers Berlin et il est l'un des premiers à découvrir l'horreur nazie lors de la libération du camp d'extermination de Treblinka. Il en reviendra bouleversé, évidemment, épuisera dans cette expérience personnelle les thèmes de ses deux romans « Pour une juste cause » et « Vie et destin ». Dans une de ses critiques littéraires pour le journal Le Monde, Nicole Zand présente ainsi le livre de Grossman. Une fresque historique, une œuvre gigantesque. Démonstration implacable des horreurs du stalinisme, cette œuvre majeure est le roman russe du XXe siècle. Vassili Grossman nous parle de son pays avec une franchise, une profondeur, une largeur de vue que nous n'avons jamais connue dans la littérature soviétique, Solzhenitsyn compris. Terminé en 1960, Vie et Destin, roman emblématique donc, immense fresque sur la guerre, genre Tolstoï, avec guerre et paix, bien sûr, est saisi par le KGB, la police politique soviétique. Et une copie a pu être exfiltrée par un dissident. Le livre sera édité en France en 1980 et traduit par Alexis Berelovitch et notre invitée Anne Koldelfi-Focard, que nous retrouverons après la fiction. Avec elle, nous parlerons de Vie et Destin, de son auteur Vassili Grossman et de la littérature russe. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vie et Destin, le manuscrit emprisonné, de Renaud Meyer. Hey. Tiens, Vassili, voilà les deux pochettes de ton manuscrit. Alors, je m'en suis tiré comment ? C'est digne de Tolstoï. Il n'y a que lui et toi pour décrire la guerre avec cette force. Mon Dieu, Vassili, tu exprimes avec une telle précision la folie de ce monde. Il y a toute la nature russe dans ton vie et destin. Le cœur russe, les souffrances russes. J'ai reconnu tant de gens derrière tes personnages. Leurs manies, leurs expressions. Même moi, je me suis vu. À toi ? Ton colonel qui répète sans cesse « Liberté, liberté » dans la steppe. Ah. « Liberté ». C'était mon poème. Ça t'apprendra à ne pas faire publier tes poèmes. Oh, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Tu manques d'audace, voilà tout. Toi, Vassili, tu en as peut-être un peu trop, tu ne crois pas? Trop d'audace? Ça veut dire quoi exactement? Allez, sois franc, Sémion. Il faut couper. Il faut retirer des passages entiers, c'est ça? Oui. Et si je supprime ces passages, j'ai une chance de publier ce roman? Aucune chance. C'est digne de Tolstoï, c'est un roman russe par excellence, mais personne ne le publiera. Non. Tu verras que ce roman paraîtra. Qui va le publier? La revue Znamia. Znamia? Tu ne vas pas leur donner ton roman. Pas à eux, c'est de la folie. Trop tard. Ils l'ont lu? Pas encore. Mais ils m'ont déjà donné une avance, beaucoup d'argent. Oh, ne me regarde pas avec cet air pitoyable. Je n'ai plus un sou, j'ai besoin d'argent, Sémion. Tu es mon ami, tu devrais comprendre quel est mon intérêt. Je comprends surtout que la revue Znamia a intérêt à te publier parce que tu es le meilleur écrivain russe. C'est une question de prestige pour eux. Mais toi, quel intérêt as-tu à publier chez Znamia? Ils sont inféodés au pouvoir, ils sont soumis au parti. Ils ont plus de puissance et d'envergure que tous les progressistes. Tu as vraiment des raisonnements curieux parfois. Les revues progressistes sont plus frileuses que les officielles. Je ne suis pas certain qu'ils auraient publié ton Vie et Destin chez Novy Mir, mais au moins, tu aurais été face à de véritables connaisseurs. De véritables traîtres. Tvardovsky a non seulement trahi l'auteur que je suis, mais aussi l'ami que j'étais. Il a publié pour une juste cause, et ensuite il s'est repenti de l'avoir publié. Il a voulu que moi aussi je me repente, que je renie mon roman devant l'Union des écrivains. Il a trouvé que je n'y parlais pas assez de Staline, que mes personnages de juifs étaient trop sympathiques, qu'avais-je besoin d'en faire des savants. Des directeurs de magasins, ça ira aussi bien. Oui, oui, vous avez raison, camarade. Et que faisons-nous d'Albert Einstein, un chef de rayon? C'est de l'histoire ancienne. Au cas où cela t'aurait échappé, Vie et Destin est la seconde partie de Pour une juste cause. Fais la paix avec Twardowski. Envoie-lui ton roman. Mais Staline est mort, Sémion. Alors, comme dirait Tchekhov, il est temps pour chacun de se débarrasser de l'esclave qui est en lui. Je t'en prie, ne donne pas ce roman à Znamia. Dès qu'ils l'auront lu, ils feront tout pour empêcher sa parution. On viendra m'arrêter, c'est ça? Souviens-toi, quand tu as publié Pour une juste cause, comment sursauter la nuit dans la dacha à Ilyinsk. À chaque claquement de volet, à chaque bruit, tu me disais « Les voilà !» Cette fois, ce sera pire, Vassili. Prépare-toi à recevoir des flèches empoisonnées. Alors, Vieux Destin est impubliable. Montre-le à Twardowski. Juste pour avoir son avis. Quel lâche tu fais! Je ne laisserai pas ce manuscrit pendant 25 ans dans un tiroir comme tu le fais avec les tiens. Oh. Excuse-moi. Tu as noté les passages qu'il fallait retirer? Voilà la liste. C'est tout? Ce sont les seuls passages dangereux. Tout est dangereux dans ton roman. Cette fois, tu ne remets pas simplement en cause le stalinisme. Tu remets carrément en cause tous les grands systèmes. Bon. Voyons. Et pourquoi veux-tu supprimer cette scène? Elle est essentielle. Le vieux bolchevique et le nazi. Notre victoire est votre victoire. Ceux qui nous regardent avec horreur vous regarderont aussi avec horreur. Et tu fais du communisme et du nazisme des systèmes identiques. Tu as conscience de ce que tu écris, Vassili? Et là, là. Très chers amis, vous savez ce que c'est la liberté de la presse. Un journal qui vous donne des informations. Vous êtes au courant de ce qui se passe dans votre pays. Vous lisez des journalistes politiques aussi bien français qu'américains. Et vous êtes capable de comprendre par vous-même en quoi ils ont raison et en quoi ils ont tort. Tu vas trop loin. Oui, peut-être, peut-être. Bon, quoi d'autre? Oui. Oui, bon, c'est l'affaire d'une vingtaine de pages à supprimer. Sur 1000, ça ira. Si tu veux, je peux faire des corrections sur ta ponctuation. Oh. Elle est parfois un peu barbare. Toi, à part la ponctuation, tu n'as rien su voir de mon roman. Oh, excuse-moi. C'est bien. Cela est tellement important pour moi. Je vais faire ces coupes, tu as raison. Moscou, novembre 1960. Vassili Grossman, 55 ans, écrivain soviétique de premier plan, vient de terminer son roman « Vie et destin » qu'il a mis près de 16 ans à composer. C'est une immense fresque sur la guerre, construite sur le modèle de « Guerre et paix », où se côtoie le quotidien du peuple russe, la bataille de Stalingrad et l'horreur de l'extermination du peuple juif. Grossman est conscient que sa critique du régime totalitaire soviétique va compliquer la publication de son roman. Mais sa foi en la littérature et sa conviction que la société de Khrouchtchev n'est plus celle de Staline le poussent malgré tout à envoyer son roman à la revue Znamia, très en lien avec les milieux officiels. La sentence est sans appel. Le comité de rédaction refuse de publier Vie et Destin, considérant ce roman comme une œuvre antisoviétique et calomniatrice. Mais ce qu'ignore alors Grossman, c'est que ce même comité a transmis son manuscrit à qui de droit. Le 14 février 1961, deux officiers du KGB débarquent au 1 rue Begovaya, à Moscou. Est-ce que j'ai fourré cette photo, bon sang? Je suis sûr qu'elle était avec celle de maman. Oh, maman. Ma chère petite maman, tu es tellement belle sur cette photo. 20 ans que tu n'es plus avec moi. Je pense à toi tous les jours. Tant que je vis, tu vivras. Et quand je serai mort, eh bien tu vivras encore. Tu vivras dans le livre que je t'ai consacré. Il est là, près de moi. Vie et destin. C'est pour toi ce livre, maman. Tu es à l'intérieur. Tu sais pourquoi j'ai fait ce livre pour toi ? Parce que tu es l'humain par excellence. Parce que ton destin est celui de l'humanité en des temps inhumains. Je t'aime, maman. Oui, qu'est-ce que c'est ? C'est moi, monsieur. Entre, Natacha. Je vous dérange ? Tu veux faire le ménage dans le bureau ? Non, monsieur, je le ferai plus tard. C'est qu'il y a des messieurs pour vous. Bah, dis à Olga de voir ça. Notre femme n'est pas là. Où est-elle ? Partie faire des courses au marché Vagankovski. Qui sont ces hommes ? Je crois que ce sont de mauvaises gens. Qu'est-ce que ça veut dire, mauvaises gens ? Le grand dit qu'il est colonel, le petit, il est... Soldat ? Plus que soldat, mais moins que colonel. Ils sont en uniforme ? Non, ils sont habillés comme vous et moi. Bon, j'arrive. Messieurs ? Vassili Grossman ? Oui. Nous avons un mandat nous autorisant à confisquer votre roman Vie et Destin. Vous avez bien écrit ce roman ? Oui. Alors nous allons le confisquer. Et qui êtes-vous ? Officier du KGB. Monsieur ! Qu'est-ce qu'il a ? Un malaise. Donnez-lui une chaise. Ça va, monsieur ? Il faut prévenir Olga. Il est cardiaque ? Je vais lui donner ses gouttes pour le cœur. Alexei Petrovitch va dans la cour chercher deux témoins. Je ne voudrais pas qu'on nous accuse de quoi que ce soit. Bien, mon colonel. Buvez, monsieur. Merci, Natacha. Ça va mieux ? L'émotion ? Tenez, le mandat, si vous voulez vérifier. Non, c'est bon. Nous pouvons commencer ? Où se trouvent vos manuscrits, vos papiers, la pièce où vous travaillez à vos romans ? Natacha, montre-lui. Par ici. Tout est là-bas, dans cette pièce ? Machine à écrire, brouillon, manuscrit. Oui, oui. Les témoins, mon colonel. Ah, voilà nos deux témoins. Entrez, installez-vous là, en Bonjour. Silence. Bonjour. Vous observez chacun de nos gestes. Vous serez les témoins de cette perquisition. Témoins que tout s'est déroulé sans violence. Que nous avons fouillé uniquement le bureau. Viens, c'est ici. Ça va, monsieur ? Mon roman. Ils vont me prendre mon roman. Restez calme, votre femme va arriver. Comment peuvent-ils faire ça ? On n'arrête plus les écrivains aujourd'hui. On vient arrêter leurs livres. Sous Staline, on supprimait les écrivains. Le régime soviétique n'est plus cannibale, il est devenu végétarien. Ça va s'arranger. Non, non, ça va être de pire en pire. Vous trouvez ce que vous voulez ? C'est le seul exemplaire en votre possession ? Oui. Il en existe d'autres ? La dactylo, on a gardé un pour corriger les fautes de frappe. On peut passer chez elle pour la récupérer ? Oui. Ce sont les seuls exemplaires ? J'en ai fourni un autre à la rédaction de la revue Novimi récemment. Un dernier exemplaire se trouvait à la revue Znamia. Mais celui-là doit déjà être chez vous, j'imagine. Je n'aime pas ces insinuations intellectuelles. Votre livre est anti-soviétique. Comme tous les ennemis du peuple, il doit se retrouver enfermé chez nous, camarade. Où sont les brouillons ? Dans cette pochette bleue. Nous allons également prendre les livres qui vous ont servi à préparer votre roman. Ce sont ceux-là. Mais la ranger sur cette étagère. Range ces livres dans le carton. Bien, colonel. Par mesure de sûreté, je vais emporter votre machine à écrire, les tampons encreurs et les papiers carbone. Emportez tout. Mon Dieu, Natacha, quelle horreur. Il ferait mieux de me tuer plutôt que de prendre mon livre. Ne dites pas des choses comme ça. Il faudra vous engager par écrit à ne parler à personne de cette perquisition. Hors de question de signer quoi que ce soit. C'est ce qu'on verra. Vous pourriez m'indiquer les toilettes ? Suivez-moi. À l'issue de la perquisition, Vassili Grossman se rend chez sa dactylo, accompagné des deux officiers, afin de récupérer un exemplaire de Vie et Destin. Le soir même, il rentre chez lui, anéanti par la confiscation de son roman, désormais emprisonné à la Loubianka, le siège du KGB. Se sentant, selon sa propre expression, étranglé sous une porte cochère, Grossman cherche des soutiens. Mais l'Union des écrivains prend ses distances et juge Vie et destin impubliable avant 250 ans. Certains lui conseillent cependant d'adresser une lettre au comité central. Grossman écrit alors au premier secrétaire du parti, Nikita Khrouchtchev. Cher Nikita Sergeyevitch, mon livre n'est pas un livre politique. Il se peut qu'il ne soit pas facile de lire ces pages, mais croyez-moi, il n'a pas été facile non plus de les écrire. Vous avez au 22e congrès du parti condamné les cruautés et les crimes sanglants commis par Staline. Votre rapport m'a donné du courage. Comment se fait-il alors qu'on procède aujourd'hui à une perquisition chez un écrivain, qu'on lui prenne son livre? Pourquoi l'a-t-on séquestré comme s'il s'agissait d'un criminel? Me prendre ce livre, c'est la même chose que de prendre un enfant à son père. Ma liberté physique n'a aucun sens. Elle n'est que mensonge, puisque le livre auquel j'ai consacré ma vie se trouve, lui, emprisonné. Je demande la liberté pour mon livre. Deux mois plus tard, Vassili Grossman reçoit pour toute réponse une convocation à un rendez-vous avec Mikhaïl Souslov, responsable des questions idéologiques du parti. Il s'y rend le 23 juillet 1962. Votre lettre était franche et votre démarche est positive, camarade Grossman. Mais vous ne pouvez pas publier votre roman, c'est impossible. Pourquoi ? C'est un livre politique. C'est un livre sincère, de la pure littérature. Votre roman est hostile au peuple soviétique. Hostile ? Sa publication nuirait à notre État, au parti, à tous ceux qui luttent pour le communisme dans le monde. Il ne ferait que servir nos ennemis. Vous avez pourtant été un grand correspondant de guerre, pour l'Étoile Rouge, le plus lu et le plus respecté. 1000 jours sur le front, ça n'est pas rien. Vos œuvres littéraires ont toujours servi les intérêts du pouvoir. Et là, vous vous isolez, vous vous égarez, vous vous enfermez, et votre subjectivité l'emporte sur le reste. Un livre est toujours subjectif, personnel. Ça ne peut pas être un simple écho des idées révolutionnaires. Tolstoï et Tchekhov n'ont fait que polir le miroir de la vie russe. C'est ce droit que vous me refusez. Vous me faites penser à Gogol. Il lui arrivait la même chose. Il s'est laissé envahir par des idées décadentes. Quel gâchis. Pourtant, je continuerai à vous appeler camarade parce que j'apprécie ce que vous avez fait avant et pendant la guerre. Mais ce livre ne peut être ajouté aux bombes atomiques que nous préparent nos ennemis. Mais mon roman n'a rien d'une bombe. Je n'ai fait qu'y parler des gens avec leur joie et leur peine, comme l'a fait Tolstoï. Tolstoï luttait contre les idées réactionnaires. Et vous m'empêchez de dire la vérité. La vérité n'est bonne que si elle est utile au parti, utile à la société soviétique. Vous me retirez ma liberté. Votre liberté, au sens bourgeois du terme. Votre droit de faire tout ce qu'il vous plaît, sans tenir compte des intérêts de la société. Mais où sont les idées réactionnaires dans mon livre? Vous les avez vues, ces idées? Vous les avez lues, vraiment? Je n'ai pas lu votre livre. Ah, vous ne l'avez pas lu? J'ai lu, avec attention, les nombreuses notes de lecture. Tout le monde s'accorde à dire que votre livre est politiquement hostile. Et si l'on peut douter du jugement littéraire de mes lecteurs, la pertinence de leur jugement politique ne peut être remise en cause. Ça ne leur accorde pas le droit de détruire mon livre. Il n'a pas été détruit, on le garde, c'est tout. Qu'est-ce qui permet à vos lecteurs de dire que mon livre est politiquement hostile? Vous défendez Trotsky? Dieu, la religion? Je parle des hommes qui croient en Dieu, c'est différent. Vous remettez en cause la légitimité du pouvoir soviétique, que vous comparez au nazisme. Vous pensez vraiment que la victoire d'Hitler aurait été notre victoire? Est-ce ma faute si la souffrance des hommes est la même, quel que soit le camp dans lequel ils se trouvent? Est-ce ma faute si l'absence de liberté est venue s'abattre sur les victimes de Staline comme sur celles d'Hitler? Quelle image des communistes vous donnez, camarade Grossman? Je croyais que la peur et l'absence de liberté étaient d'un autre temps. Qu'avec Khrouchtchev, on avait enterré la terreur. Nous avons condamné les erreurs de Staline, pas sa lutte contre les ennemis de l'État. Même Staline n'a pas osé emprisonner mes livres. Staline n'a pas confisqué vos livres, car vos livres n'étaient pas condamnables. Je n'ai pas lu Vie et destin, mais j'avais lu Pour une juste cause. C'est un très bon ouvrage. Revenez à la position qui était la vôtre. Je n'ai pas changé. Vous n'êtes plus le même, camarade Grossman. Il n'y a ni mensonge ni calomnie dans mon livre, seulement la vérité et l'amour des hommes. Sortez de votre bulle. Vous êtes en train de vous couper de la société. Allez à Volgograd, allez voir les chantiers, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Tout a changé depuis la guerre. Cela guidera votre inspiration? et vous pourrez retrouver la grandeur de vos livres précédents. Vous ne pensez pas que je pourrais récupérer mon livre, juste pour moi ? C'est impossible. Mais je vous promets de le lire à l'occasion. L'emprisonnement de Vie et Destin bouleverse l'existence de Vassili Grossman. Des cheveux blancs apparaissent sur sa chevelure frisée. Il traîne les pieds, souffre de crises d'asthme, semble malade, triste. Même quand il plaisante, on peut lire au fond de ses yeux une douleur vive et torturante. Il quitte sa femme Olga et déménage seul dans un studio. Ses amis l'abandonnent. On le fuit comme un paria. Personne ne veut plus le publier. C'est que Vassili Grossman est certainement le seul écrivain soviétique à être passé de manière si radicale de la soumission à la révolte. Malgré cette mise à l'écart, il continue d'écrire et espère toujours que Vie et Destin sortira un jour de son cachot. Au printemps 1963, on lui découvre un cancer du rein. Seul son vieil ami, Semyon Lipkin, demeure à ses côtés dans cette épreuve et vient lui rendre visite à l'hôpital. Pourquoi suis-je malade, Semyon ? J'ai besoin d'énergie, de force. Je dois continuer à écrire. Je dois sauver mon livre, il le faut. Tu as meilleure mine depuis hier. Il me semble que le monde est plein d'hypertension, de tumeurs, d'infarctus. À 20 ans, nous pensions, toi et moi, qu'à part les chaudes-pisse, il n'y avait pas d'autre maladie au monde. Après ton opération, tu reviendras aux chaudes-pisse. Le chirurgien a dit qu'il y aurait peut-être des métastases malgré l'ablation. Le parti a voulu m'assassiner en confisquant mon livre, et maintenant c'est le cancer qui s'y met. Je suis là, Vassili. Tu peux compter sur moi. Tu es vraiment un frère. Tu as tout partagé avec moi. Même les plats traditionnels du dimanche chez ma mère. Je n'abandonnerai pas, tu sais. Je tiendrai jusqu'au bout. La route est difficile, mais pas terminée. Un jour viendra où Vie et Destin sortira des coffres du KGB et tous les citoyens de ce pays pourront le lire librement. Je déteste ce régime, tu m'entends ? Je déteste la plupart des gens ici. Ils ne sont que mépris, obéissance, moi peur. Moi fort, Vassili, tu vas nous attirer des ennuis. Tiens, Marinine. Qui est-ce ? Journaliste politique à la Pravda. Il partage ma chambre depuis ce matin. Tu as parlé avec lui ? Ses conversations sont distrayantes, mais pénibles. C'est déjà mieux que les bavardages futiles et la grossièreté des autres. La compagnie des malades de cet hôpital me pèse, Semyon. Si tu entendais le bruit qu'ils font en mangeant... Il me faudrait une opération rapide, et ensuite une maison de repos où je puisse écrire au calme. Parce qu'ici... Profites-en pour lire. Tu as lu le roman de Vladimir Voïnovitch que je t'ai donné ? Oh, ce magnifique de dissidence. Et le livre de Medvedev, tu pourrais me procurer ça ? Je vais essayer. Il paraît que Medvedev a envoyé son manuscrit à l'étranger, qu'il est revenu chez nous sous forme de livre, et qu'il circule dans Moscou. Qui t'a raconté ça ? Rouvim. Il m'a téléphoné il y a quelques jours. Notre conversation a été très longue, 4 minutes. Avant, il passait des heures à discuter avec moi. Et sur les 4 minutes, il a réussi à te parler du livre de Medvedev ? De ce livre et de son chien qui est malade. C'est tout ? C'est tout. Rouvim est un véritable ami. Était. Les ordres du parti et de l'Union des écrivains sont passés par là. Je m'en moque. Mais... l'idée de faire publier Vie et Destin à l'étranger m'intéresse. Tu connais des éditeurs à l'étranger ? Personne, c'est le problème. Même si tu en connaissais, il faudrait récupérer ton manuscrit au KGB. Pas besoin du KGB. Il me reste un exemplaire de Vie et Destin. Bonjour, moi. Tu as réussi à sauver ça. Je vais te confier ce manuscrit au cas où il m'arriverait quelque chose. Tu ne veux pas le garder avec toi ? J'en ai un autre, caché à la campagne. Sous des sacs de pommes de terre. Il faut continuer à se battre, Semyon. Mon roman doit accomplir son destin. Il le réalisera certainement en dehors de moi. Je pourrais même ne plus être en vie à ce moment-là, mais qu'importe. Il faut te soigner. Regarde ce médicament. Tu penses vraiment que ce cachet, cette poussière chimique, peut sauver un homme ? Au cours de l'hiver 1963, l'état de santé de Vassili Grossman devient critique. Les médecins lui découvrent un autre cancer. Au poumon, celui-là. L'opération semble inutile. Après quelques séjours à l'hôpital, Grossman meurt dans la nuit du 14 septembre 1964. L'Union des écrivains est chargée des obsèques, des discours, de l'héritage littéraire et de la postérité de Vassili Grossman. On cesse bientôt de le publier, tandis que son roman, Vie et destin, demeure emprisonné dans les coffres du KGB. 10 ans plus tard, Semyon Lipkin, toujours en possession d'un exemplaire du manuscrit, rend visite à son voisin, Vladimir Voïnovitch, écrivain dissident, avec une seule idée en tête. Vladimir Voïnovitch, vous allez bien ? L'air est coupant comme de la vodka ce matin. Trop froid pour rester devant ma porte sans bouger. Marchons. Allons vers le parc. J'aimerais vous dire deux mots. Avec plaisir. Oui, vous savez, enfin, j'ai un manuscrit. Grossman. Comment avez-vous deviné ? Une intuition. Vous savez que le manuscrit de Grossman a été confisqué par le KGB. Bien entendu. Mais tous les exemplaires ne peuvent avoir disparu. Il faut que vous m'aidiez à sauver ce roman. Pourquoi moi ? Parce que vous, vous battez contre le KGB et que vous êtes proche des milieux dissidents. Sans parler de vos ouvrages qui circulent clandestinement. Le KGB veut éliminer tout ce qu'il y a de vivant dans la littérature. Je sais que vous admiriez Grossman. Je respectais et j'admirais beaucoup l'écrivain. Si je peux vous aider à sauver son roman, j'en serais très fier. Grossman a été le premier à écrire sur le massacre des Juifs et le sort du peuple russe derrière les barbelés des camps. C'est important. Combien ce roman fait-il de feuillets ? 1600. Il faudrait les photographier et les mettre sur microfilm. Vous voulez le passer à l'ouest ? Les seuls capables de le faire, ce sont Andrei Sakharov et sa femme, Elena Bonner. Sakharov jouit d'une notoriété internationale. À ce titre, le KGB ne peut pénétrer chez lui. Amenez-moi ce manuscrit, nous ferons des photographies. Ensuite, nous irons voir Sakharov. Vous connaissez des éditeurs à l'ouest ? C'est l'autre difficulté. Le nom de Grossman ne va pas leur dire grand-chose. Et puis le capitalisme, c'est le capitalisme. Trouver un éditeur prêt à investir de l'argent dans une entreprise qui ne promet pas beaucoup de bénéfices, ça ne va pas être simple. En France, peut-être. Ou alors en Suisse. Si les compatriotes de Flaubert et Proust ne comprennent pas ce qu'est un roman, alors qui comprendra ? Nos compatriotes ont Tchekhov et Grossman. Et ils ne comprennent pas. Merci de nous aider. De là-haut, Grossman verra la marche libre de son enfant et il s'en réjouira. C'était Vie et destin, le manuscrit emprisonné de Renaud Meyer. Avec François Lauriquet, Victor Ponomareff, Yaël Eladad, Laurent Lederer, Emmanuel Ménard, Rares Yenasouaï et les voix de Guillaume Costanza et Alizé Soudet. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Lidouine Caron. Assistante à la réalisation, Claire Chénaud. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Подмосковные вечера. Речка движется и не движется, все из лунного серебра. песня слышится и не слышится, ведь и тихие вечера. Песня слышится, ах, и не слышится, ведь и тихие вечера. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Affaires sensibles, la fiction. Vassili Grossman a fini ce roman en 1960 et, il faut bien le dire naïvement, est allé le présenter à une revue soviétique. Et évidemment, il a été immédiatement dénoncé au KGB et on est venu confisquer absolument tous les manuscrits. Mais comment expliquer que tous les manuscrits ayant été pris, nous ayons cet ouvrage aujourd'hui, plus de 20 ans après qu'il a été écrit ? Écoutez, c'est une chose miraculeuse, effectivement. Il est clair qu'à la clé, il y a son premier éditeur. C'est celui qui a fait la première photocopie du manuscrit. Et à qui, je pense, il faut rendre un hommage au nom de l'humanité tout entière, car je pense que c'est un livre qui touche tout profondément chacun de nous. Vassili Grossman, à partir du moment où il a constaté que les deux grands terrorismes et totalitarisme, qui sont le fascisme et le communisme, se ressemblent, c'est à partir de ce moment-là que la vraie prise de position intellectuelle a commencé de faire son chemin dans son cœur et dans son âme. La plus profonde conversion de l'écrivain Grossman est de prendre en charge toute la grande littérature russe qu'il, depuis un siècle et demi, essaye de défendre les hommes contre les États et contre l'oppression. Tout homme, à partir du texte de Grossman, peut reconnaître la prise en charge de Tolstoï, de Tchekhov, dont il parle admirablement dans son livre, et le destin du peuple russe face aux cruautés du communisme. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Vie et destin, le manuscrit emprisonné. Notre invitée, Anne Kodelfi-Focard, traductrice avec Alexis Berelovitch du roman de Vassili Grossman. Bonjour Anne Kodelfi-Focard. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de littérature russe et de Vassili Grossman, l'un des auteurs russes les plus importants, mais pas forcément les plus connus. Et c'est intéressant d'ailleurs de ce point de vue-là, on va en reparler. Maître de conférences de littérature russe à la Sorbonne, vous êtes aussi éditrice et traductrice d'auteurs russes parmi les plus importants, Dostoïevski, Gogol, Solzhenitsyn, Svetlana Alexievitch, Sorokine également. Sorokine, oui, bien sûr. Vous avez aussi traduit avec Alexis Berelovitch, donc Vie et destin de Grossman, dans sa première parution en français aux éditions L'Âge d'Homme, c'était en 1980. Nous avons écouté ensemble une archive, il y a quelques secondes, une interview de Vladimir Dmitrievitch, oui, éditeur suisse, qui présentait le roman de Vassili Grossman, Vie et destin, chez Pivot, c'était le 10 octobre 1983. Alors, le livre, saisi par le KGB en 1960, n'a survécu que par miracle et n'est arrivé en Occident que 20 ans après la mort de son auteur. Alors, quel effet ça fait de traduire l'œuvre d'un auteur qui a été censuré, dont le livre a été interdit, et finalement qu'on a entre les mains plus de 20 ans après son écriture? J'imagine qu'il y a peut-être presque une émotion quand même. Au-delà du travail. Il y a d'abord une émotion d'entendre aujourd'hui la voix de Vladimir Dmitrievitch, qui a le premier publié Vie et destin en français, mais aussi en russe. Il n'y avait pas d'édition russe, et c'est lui qui l'a faite, en même temps que la publication de la traduction française. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très émouvant et très important. À l'époque où je traduisais, moi je n'ai traduit qu'une partie, hein, la majeure partie a été traduite par Alexis, Alexis Berilovitch, qui devait le traduire en entier, et puis comme on voulait que ça sorte, parce que c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'était vraiment un ovni quand c'est sorti ce livre. On m'a demandé Vladimir Dmitrievitch m'a demandé de travailler avec lui. C'était l'époque où on traduisait beaucoup de livres interdits. Vous voyez, donc on avait quand même depuis les années 60, il y avait Solzhenitsyn, 74, il y avait eu le Goulag. Ouais. C'était une l'archipel époque du Goulag. Oui, c'était une époque tout à fait particulière. Donc ça s'inscrivait dedans. Simplement, il y avait en plus le côté incroyable, parce que on découvrait ce Grossman, on savait que le KGB avait non seulement confisqué tous les manuscrits, mais aussi les calques de la machine à écrire, mais aussi les rubans de la machine à écrire. Enfin, c'était une espèce de folie absolue. Donc, effectivement, c'était une découverte. Et puis, surtout, le contenu. Il y avait des choses qu'on ne trouvait pas ailleurs. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous? Moi, ce qui m'a frappé beaucoup, c'était... d'ailleurs, ça a frappé beaucoup de monde. C'était le parallèle entre Hitler et Staline. Ah, voilà. Et ça a choqué, mais énormément. C'est affaire sensible, ça. Vraiment. Une affaire extrêmement sensible. Je pense que ça encore aujourd'hui, mais ça l'est, mais à l'époque, oser les mettre sur le même plan, c'était quelque chose d'absolument scandaleux. Moi, je me rappelle à l'époque, j'enseignais dans un lycée, et j'avais travaillé avec les terminales sur un extrait justement de Vie et Destin, et je me rappelle une élève qui me dit: mais madame, vous n'avez pas le droit, de nous faire travailler sur un texte comme ça, c'est absolument scandaleux. Donc c'était vraiment quelque chose de très très très sensible. Et c'était le premier à avoir fait la comparaison. Et vous avez été convaincu, vous, par ça? J'ai été convaincu, oui, parce que... d'abord, il la présente très très bien. ensuite, on sait que Hitler était assez fasciné par Staline, et Staline par Hitler. Le pacte germano-soviétique, alors bien sûr, on a dit après, oui, mais Staline n'avait pas d'autre solution. Sans doute, mais ça suffit, à mon avis, ça ne suffit pas. Enfin, je veux dire, il y avait quand même ces deux totalitarismes, oui, qu'on le veuille ou non. Bien sûr, et il y avait les meurtres de masse, et il y avait la dimension génocidaire. Tout à fait. Et chez l'un et chez l'autre. Chez l'un et chez l'autre. Donc, avec tous les peuples qui avaient été... En Union soviétique, qui avait été expulsé, relégué, banni. Génocidaire et concentrationnaire, les deux aussi. Concentrationnaire, absolument. La grande différence, peut-être, c'était que peut-être qu'en Allemagne, c'était plus organisé qu'en Russie. Moi, j'ai toujours pensé, mais ça, c'est ma thèse, j'ai toujours pensé que ce qui sauverait la Russie, ce serait toujours le bazar. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la discipline, la loi, le carcan, bah finalement ça saute un peu parce qu'il y a toujours un côté anarchique, bazar. Moi, c'est toujours ce qui m'a donné l'espoir que la Russie ne tomberait pas complètement dans le totalitarisme. C'était le cas du bazar, entre guillemets, avec Yeltsin, à partir de Yeltsin. Oui, donc... mais même avant, je veux dire, il y a toujours quelque chose, il y a toujours le grain de sable. Le grain de sable. Qui est salvateur, en tout cas très souvent. Dans notre introduction, nous avons cité Nicole Zand, qui, dans un article publié dans le journal Le Monde, paru celui-là en septembre 1983, comparait Vie et Destin aux plus grandes œuvres littéraires russes des auteurs comme Tolstoï et Tchekhov pour le théâtre. Donc ce serait l'un des plus grands livres du XXe siècle, vous le pensez aussi? Ce qui a été dit, je pense que pendant au moins 10 ans, sinon plus, ça a été considéré, Vie et Destin, comme il a été considéré, inclus dans la liste des 10 les plus grands livres du XXe siècle, au niveau mondial. Ouais. Ça, je me rappelle très très bien ces listes. Je pense que ça a été un livre... ça a été vraiment une bombe. Et qu'on, dont on a tous eu du mal à se remettre. Peut-être moins maintenant, parce que les choses ont changé, l'Union soviétique a explosé. Bon, c'est un petit peu différent. Mais ça a été vraiment... Et ça reste quelque chose de très important. Maintenant, au niveau écriture, je suis pas tout à fait d'accord avec elle, mais bon. Non, il y a de très grands passages, il y a des passages absolument extraordinaires. Mais c'est le propos qu'il faut avoir. Voilà. Mais, avant tout, c'est le propos. Je me rappelle quand je traduisais, il y avait des moments où ça m'ennuyait. J'ai honte de le dire, mais ça m'ennuyait à traduire parce que le style était tellement... Finalement, au départ, c'est un auteur soviétique, Grossman. Ouais. Donc il a une écriture quand même... relativement soviétique, avec de très grands moments. C'est quoi une écriture soviétique? Ben, c'est-à-dire, c'est un peu ennuyeux, c'est un peu terne, c'est un peu... Et puis les dialogues, ta-ta-ta-ta-ta-ta, dit-il, ta-ta-ta, répondit-elle, ta-ta-ta, reprit-il, ta-ta-ta, acheva-t-elle. Enfin, vous voyez, c'est des trucs, quand on traduit, c'est un peu ennuyeux. Mais à côté de ça, il y a des moments éblouissants. Enfin, le portrait de Staline est... absolument éblouissant. En ce qui concerne Stalingrad, il y a des pages stupéfiantes. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est un livre d'une telle importance que, à la limite, l'écriture, que le traducteur s'ennuie un peu à certains moments, mon Dieu, c'est pas grave. Et en plus, Grossman sait de quoi il parle, notamment quand il parle de la bataille de Stalingrad. Et on va en parler d'ailleurs, tous les deux, dans 3 minutes. We thought they'd never end. We'd sing and dance. Anne Codelphy Focard. Alors votre mari vous disait, mais de quoi tu te plains quand même, c'est bien ça quand même. Comme tu traduis une grande œuvre et tu te plains. Mais enfin. Bon, alors, en rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où parfois vous disiez que parfois c'était un peu ennuyeux, mais vous avez raison de le dire, hein, même les métiers les plus géniaux peuvent être parfois un petit peu ennuyeux. Bon, la routine, c'est plus... je m'intéresse plus à des écrivains qui font des recherches stylistiques. Donc voilà, c'est aussi une question personnelle. Alors, la bataille de Stalingrad que vous évoquiez tout à l'heure, ce qui est fort, c'est qu'il sait de quoi il parle. Ah oui, parce qu'il a été correspondant de guerre et effectivement, il sait de quoi il parle. Qu'est-ce qu'il dit en substance ? Cette bataille, bon, il montre bien à quel point toute la ville était au cœur de la bataille, qu'on se battait d'une rue à l'autre, d'une maison à l'autre. Oui. Et ça, c'est vrai, enfin, je dirais, c'est quelque chose qu'il a vécu. Et puis, ce qui est sidérant, c'est que, en plein dans cette bataille, qui était une bataille décisive, absolument, pour la suite de la guerre... cette bataille, au cœur de cette bataille, on avait des arrestations. C'est-à-dire que la police politique traquait encore les traîtres, tout ce que vous voulez. Et il y a un des personnages, d'ailleurs, de Vie et Destin, qui est arrêté à Stalingrad. C'est quelque chose d'hallucinant. Et ça, il le décrit très très bien. C'est toute cette bataille de Stalingrad, et les arrestations, et l'angoisse, et la peur. Là, il est vraiment très très fort. Le portrait de Staline qui vous avez interpellé, plus que ça même. Qu'est-ce que vous gardez en souvenir comme moment fort du portrait de Staline ? C'est... D'abord, c'est toujours dans le rapport avec Hitler. Au moment de Stalingrad, c'est un petit peu en dehors du portrait, mais ça fait partie du personnage. Au moment de Stalingrad, il fait dire à Staline que Staline pense... sans arrêt à Hitler, essaie de voir ce que prépare Hitler, essaie de voir comment gérer cette bataille de Stalingrad et puis l'ensemble de la guerre, et il est persuadé que Hitler pense sans arrêt à lui aussi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez... c'est très fort. C'est très très fort, c'est très impressionnant. Alors, on l'a écouté dans la fiction, Vassili Grossman n'imaginait pas être censuré. C'est franchement étonnant quand on connaît la nature du régime soviétique, quand on sait que son livre sur Stalingrad n'a été publié dans la revue Novi Mir qu'en 1952, c'est-à-dire 10 ans après les faits, qu'au prix de multiples coupes, censures et réécritures, il a été édité, voilà, il est quand même passé à travers les ciseaux. Fallait s'y attendre pour Vie et Destin, non ? C'est très étonnant. Oui et non. Je ne parlerai pas de naïveté, évidemment, mais je suis surpris qu'il... Si, on peut parler d'une part de naïveté, dans le sens où le premier livre est paru en 52, c'est-à-dire encore durant la période stalinienne. Oui. Il y avait eu l'histoire du livre noir, qui avait été sur justement tous les morts juifs pendant la guerre, toute cette enquête, c'est d'ailleurs sorti depuis le livre noir, y compris en français, mais qui avait été confiée dans la rédaction, avait été confiée à Grossman et à Ehrenburg. Et ils ont travaillé, et puis ça a été interdit au dernier moment. Mmh. Alors, ça, on est encore dans la période stalinienne. Mais... lorsque Khrouchtchev arrive, ça c'est différent. Ah bah complètement. Mais oui, sérieux, complètement. C'est différent, mais même pour ça. D'accord. Ah bah oui, c'est un grand espoir. Et puis bon, en 64, ce sera trop tard pour Grossman, mais en 64, on aura une journée d'Ivan Denisovitch, qui était quand même pas n'importe quoi. Et il y avait aussi au début des années 60. Non, c'est le Lucie, il faut le préciser. Oui, des livres sur la guerre qui étaient autorisés à paraître et un petit peu différents de ce qu'on avait l'habitude de lire et de ce qui était officiellement autorisé. Je pense que Grossman, c'était au départ un communiste, c'était quelqu'un de convaincu, c'était un vrai soviétique. Je pense que peut-être, bon, il a été très déçu pendant la guerre et il a évolué de façon assez différente. Je pense que après la mort de Staline, il y a sans doute eu un espoir, dû au fait que la déstalinisation avait commencé en 56 et vraiment très fort. Il y a eu des amnisties de prisonniers, il y avait quand même beaucoup de choses. Donc, je pense qu'il Il avait peut-être une foi un peu naïve dans le communisme et dans le système. Peut-être que lui voulait y croire absolument, sans se faire au fond tellement d'illusions. C'est ce que lui dit son ami dans l'histoire que vous avez citée. Ouais. Mais je pense qu'il pouvait peut-être avoir l'espoir, y croire, peut-être pas vraiment, mais avoir de l'espoir, oui. Vie et destin suit son précédent roman Pour une juste cause, édité en 1952. Les deux livres alors, sont très différents. Le premier est centré sur la bataille de Stalingrad, alors que Vie et destin est un acte d'accusation implacable contre le régime stalinien. Comment Grossman passe-t-il de l'un à l'autre ? Mais je pense que d'abord il y a eu la découverte, vous l'avez dit, dans la fiction de Treblinka, de tout ce qui s'était passé pendant la guerre. Pour le premier, il est correspondant de guerre à Stalingrad, mais c'est un correspondant soviétique. Et à ce moment-là, il n'a pas encore découvert véritablement l'antisémitisme soviétique. Il fait partie de ces juifs qui, à partir de la Révolution, ont eu toute leur place dans le monde soviétique, dans la société. Brusquement, je vous dis, le livre noir interdit. Juste avant la mort de Staline, quand même, le complot des blouses blanches... l'antisémitisme est évident. Enfin, donc... À partir de là, ça change tout. Est-ce que Grossman, finalement, a plus œuvré contre le système totalitaire soviétique que Solzhenitsyn, au bout du compte ? Ou est-ce qu'ils ont fait ça tous les deux de façon différente, finalement ? Moi, je dirais que c'est de façon différente, parce qu'on ne peut pas minimiser ce qu'a fait Solzhenitsyn dans son œuvre. Solzhenitsyn a... il y a l'archipel du Goulag, qui est quand même un monument. Ah oui, c'est clair. Dans l'ensemble de son œuvre aussi, si vous prenez La Roue Rouge, il y a quand même une réflexion sur la Révolution, sur les causes de la Révolution, les racines, comment ça s'est passé. Bon, donc je pense que ce sont deux personnages complètement différents, deux écrivains complètement différents, mais qui tous les deux ont chacun à sa façon vraiment réfléchi au problème. Anne-Codelphi Focard, quel regard posez-vous aujourd'hui sur la littérature russe ? Vraiment celle d'aujourd'hui ? Moi, elle m'intéresse beaucoup. Il y a eu une sorte de trou noir après 91. Et si vous en parlez à des écrivains d'aujourd'hui... Donc il correspond à la chute de l'URSS, hein ? Oui. La fin de l'existence de l'URSS. Absolument. Qui vous réponde, qui vous l'explique par le fait, et c'est assez juste, que il se passait tellement de choses qu'il était plus intéressant de vivre que d'écrire. et qui depuis, moi je dirais que depuis une petite dizaine d'années, on a une nouvelle littérature russe qui apparaît. Petit à petit, et de grande qualité, et surtout une littérature qui va profond. Alors c'est très intéressant parce que on fait souvent la critique, mais les écrivains russes d'aujourd'hui ne parlent pas du présent, autrement dit, pas de Poutine, pas de la société, des travers de la société, l'opposition à Poutine, est-ce qu'elle existe ou pas. C'est assez juste, mais parce qu'ils s'intéressent, si on regarde bien, au passé. Et pas seulement au passé soviétique. Ils vont beaucoup plus loin dans les... Chez les tsars ? Oui, et même dans les origines de la Russie. C'est tout à fait intéressant. Et ils vont aussi dans le futur. C'est-à-dire qu'on a les deux. On a réflexion sur le passé et anticipation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'anticipation, ou les questions d'ailleurs en général, que se posent les écrivains, c'est pas uniquement sur la Russie. Il y a beaucoup sur l'Europe. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose qu'on remarque, à mon avis, trop peu ici. Il y a vraiment un ensemble de questions. Et ce qui me paraît très important aussi, c'est que les écrivains d'aujourd'hui, par rapport aux écrivains soviétiques, ce sont des écrivains qui ont beaucoup voyagé. Oui. Et dont un certain nombre vit complètement à l'étranger, ou bien... vit à moitié à l'étranger, à moitié en Russie, ce qui leur donne une vue complètement une longueur différent. De vue même. Voilà, par rapport à voilà. Merci infiniment, Anne. De rien. Codelphi Focard. Merci. Merci au revoir. Merci à vous. C'était Affaires sensibles à la fiction, aujourd'hui Vie et destin, le manuscrit emprisonné, une fiction écrite par Renaud Meyer, réalisée par Sophie Houde-Picon, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Anne Lioro, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Kevin Pelot et Juliette Delpero. À suivre, Pop, avec Antoine Decaune. C'est juste après le flash.